hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie puede parar. Tonight, da-da-dee-da-da-da, east to west, high and low, up and down, I'll bet you. Tonight, da-da-dee-da-da-da, east to west, high and low, it's going down. Hala, pico, que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire, c'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis. Les yeux pleins d'étoiles avec la main sur le cœur.